j'en procure. Je tire un trait sur le passé. Mais du pacte t'es mon ami. Quand je te voyais tu traçais. Désormais c'est chacun sa vie. Mon destin sont tracés. Et pour tous tu m'as trahi. Parce que dans mon cœur c'est amitié glacée. Je me les vois, elle ne pleure pas. Je suis tellement loin que j'ai peur de plus revenir. J'ai dit à la miss non ne pleure pas. J'ai trop de fierté pour te retenir. Marque tacle et charclé, la gloire, la réussite, mon arc est tardé. Bloqué sur le quai, je voulais embarquer. Je voyais ma daronne frotter le parquet. On m'a dit de rester honnête. Tu t'es aussi de speed qu'une comète. Je tenais trop dehors, je répète tort à tort. J'aurais pu finir au beau mètre. Yeah.